Chapitre 4. En rentrant, je demandai M. Persson, et il venait de se coucher. J'en fis autant, et je fis bien. À mon réveil, je sonnai Jasmin, pour le prévenir qu'on me rapporterait dans la matinée mes habits que j'avais laissés la veille chez un ami. Ensuite, je fis appeler M. Persson. Je lui demandai comment se portaient Adélaïde et Mademoiselle de Pontis. « Vous les avez vues hier, » me répondit-il. « Et vous aussi, M. Persson, vous les avez vues, et même... « Vous leur avez dit que j'avais fait une connaissance au bal. »« Eh bien, monsieur, quel mal !»« Et quelle nécessité, monsieur !»« Dites à ma sœur vos secrets, à la bonne heure, mais les miens, je vous prie de les respecter. »« En vérité, monsieur, vous le prenez sur un ton. »« Depuis quelques jours, on ne vous connaît plus. »« Je me plaindrai à monsieur votre père. »« Et moi, monsieur, à ma sœur. » Je le vis pâlir. « Croyez-moi, soyons bons amis. Mon père désire que je sorte avec vous. » « Eh bien, finissez votre toilette et allons au couvent. » Nous partions quand Rosenbert arriva. Dès qu'il sut où nous allions, il me pria de lui permettre de nous accompagner. « Depuis 4 mois, me dit-il, vous m'avez promis de me faire connaître votre aimable sœur. »« Rosenbert, je vais vous tenir ma parole, et vous allez voir une demoiselle que vous serez forcé d'estimer. »« Mon ami, distinguons. » Je suis très convaincu que Mademoiselle de Faublas est dans le cas de l'exception, mais je rétorquerai sur vous le terrible argument dont vous vous êtes armé contre moi. Une exception ne détruit pas la règle, elle l'approuve. Tout comme il vous plaira. Je vous préviens que vous allez voir une demoiselle de 14 ans et demi, innocente, ingénue jusqu'à la simplicité. Cependant, elle est aussi grande qu'on peut l'être à son âge. Il ne manque ni d'esprit ni d'éducation. Persson fut plus heureux que moi. Ma sœur vint au parloir, ma Sophie n'y vint pas. Après les révérences et les compliments d'usage, après quelques minutes d'une conversation générale, je ne pus dissimuler mon inquiétude. « Adélaïde, dites-moi donc ce qu'a ma jolie cousine. »« Oh, mon frère, il faut que son mal soit bien amer, car elle le cache. Et elle s'en occupe toute la journée. Je ne reconnais plus ma bonne amie. Autrefois, elle était étourdie, gaie, folle comme moi. Maintenant, je la vois triste, rêveuse, inquiète. » Nous la trouvons presque aussi douce, aussi caressante, mais elle est rarement avec nous. Dans nos heures de récréation, elle jouait, elle courait au jardin avec nos compagnes. À présent, mon frère, elle cherche un petit coin pour s'y promener toute seule. Oh, elle est malade, elle est vraiment malade. Elle mange peu, elle ne dort plus, elle ne rit plus. Et moi, mon frère, et moi, qu'elle aimait tant, elle a l'air de me craindre. Oui, en vérité, je l'ai remarqué, elle fuit tout le monde. Mais c'est moi, surtout, qu'elle évite. Hier, je la vois entrer dans une petite allée couverte au bout du jardin. J'arrive à pas de loup. Je la trouve s'essuyant les yeux. Ma bonne amie, dis-moi donc où tu as mal. Elle me regarde d'un air. Mais c'est que je n'ai vu personne avoir cet air-là. Enfin, elle me répond. Adélaïde, tu ne le devines pas. Ah, que tu es heureuse, mais que je suis à plaindre. Et puis elle rougit, elle soupire, elle pleure. Je tâche de la consoler. Plus je lui parle, plus elle se chagrine. Je l'embrasse, elle me fixe longtemps et paraît tranquille. Tout d'un coup, elle met sa main sur mes yeux et elle me dit « Adélaïde, cache ton visage, oh cache-le, il est trop, il me fait mal. Laisse-moi, va-t'en un moment, laisse-moi seul. » Et elle se remet à pleurer. Moi qui vois que son mal augmente, je lui dis « Sophie ». À ce nom de Sophie, Rosenbert se pencha à mon oreille. La jolie cousine, c'est Sophie. C'est cette Sophie que j'ai blasphémée, pardon. Ma sœur reprit. Je lui dis, Sophie, attends un moment, je vais chercher ta gouvernante. Alors elle se remet, elle s'essuie les yeux, elle me prie de ne rien dire. Je suis obligé de le lui promettre, mais au fond, cela n'est pas raisonnable. Vouloir être malade et ne pas vouloir que sa gouvernante le sache. Ma chère Adélaïde, pourquoi n'est-elle pas venue au parloir avec vous aujourd'hui? C'est qu'elle est si distraite, si préoccupée. Elle vous aimait presque autant que moi autrefois, et maintenant, je crois qu'elle ne vous aime plus. Tout à l'heure, je lui dis que vous étiez là. Le jeune cousin, s'est-elle écriée d'un air content. Elle s'est arrêtée. Non, je n'irai pas, m'a-t-elle dit. Je ne veux pas, je ne peux pas. Dites-lui de ma part que... Elle paraissait chercher. J'attendais qu'elle s'expliquât. Mon Dieu, ne savez-vous pas ce qu'il faut dire? A-t-elle ajouté avec un peu d'humeur. Ce qu'on dit en pareil cas, les compliments d'usage. Il m'a quitté assez brusquement. Je m'enivrais du plaisir d'entendre ma sœur ingénue me peindre, avec l'innocence d'un enfant, les tendres agitations, les douces peines de Sophie. Rosenberg, encore plus étonné que je n'étais ravi, prêtait une oreille attentive, et le petit monsieur Persson, nous regardant tous trois, paraissait en même temps inquiet et charmé. Adélaïde, vous croyez que Sophie ne m'aime plus ? Mon frère, j'en suis presque sûr. Tout ce qui se rapporte à vous lui donne de l'humeur, et moi j'en suis quelquefois la victime. Comment ? Oui, l'autre jour, monsieur que voilà, montrant monsieur Persson, nous apprit que vous aviez passé la nuit tout entière chez madame la marquise de B. Eh bien, quand monsieur fut parti, dès que nous fûmes seuls, Sophie me dit d'un ton sérieux « Votre frère n'est pas couché à l'hôtel. Il n'est pas rangé, votre frère. Cela n'est pas bien. » « Votre frère. Elle me tutoie ordinairement. Votre frère. Quand même, vous seriez dérangé, Faublas. Doit-elle se fâcher contre moi, votre frère ?»« Le jour d'après, je crois, vous avez été au bal masqué. » « Monsieur Persson nous l'est venu dire, car il nous dit tout, monsieur Persson. Dès que nous avons été seuls, Sophie m'a dit « Votre frère s'amuse au bal, et nous nous ennuyons ici. » « Point du tout, lui ai-je répondu. On ne s'ennuie point avec sa bonne amie. »« Ah oui, » a-t-elle répliqué. « Ah oui, avec sa bonne amie, cela est vrai. » Cependant, mon frère, voyez cette singularité. Un moment après, elle a répété tristement « Il s'amuse au bal, et nous nous ennuyons ici. » Nous nous ennuyons. Eh, mais quand cela serait vrai, ce n'est pas poli. Elle ne doit pas le dire. Oh, s'il n'était pas malade, je lui en voudrais beaucoup. Je me rappelle encore un trait. Hier, vous avez dit que madame de B était jolie. Le soir, j'ai poursuivi Sophie et je l'ai forcée de se promener avec moi. Votre frère, m'a-t-elle dit, car à présent c'est toujours votre frère, il trouve cette marquise jolie. Il est sans doute amoureux d'elle. J'ai répondu, ma bonne amie, cela ne se peut pas. « Cette madame de B est mariée. » Elle m'a pris la main et elle m'a dit « Adélaïde, oh que tu es heureuse. » Il y avait dans son regard, dans son sourire, du dédain, de la pitié. Est-ce honnête, cela ? « Ah, que tu es heureuse. » « Eh, mais sûrement je suis heureuse. Je me porte bien, moi. » « Mais Adélaïde, tout ce que vous dites là ne prouve pas que ma jolie cousine ne m'aime plus. Elle est peut-être fâchée. Mais tous les jours, on boude les gens qu'on aime. » « Oh, sans doute, s'il n'y avait que cela. Et qu'y a-t-il encore ?»« Eh bien, autrefois, elle m'entretenait sans cesse de vous. Elle était joyeuse de vous voir. À présent, elle me parle encore de mon frère, mais c'est si rarement, et d'un ton si sérieux. Hier, ne l'avez-vous pas remarqué, elle n'a pas dit un mot, pas un seul mot, pendant que vous étiez là. Allez, allez, mon frère, quand on aime les gens, on leur parle. Je vous assure que ma bonne amie ne vous aime plus. » Ici, Rosenberg se mêla de la conversation qui changea d'objet. On parla danse, musique, histoire et géographie. Ma sœur, qui venait de causer comme une fille de 10 ans, raisonna alors comme une femme de 20. Le comte, à chaque instant plus surpris, semblait ne pas s'apercevoir que les heures s'écoulaient, quoique M. Persson eût pris la peine de l'en avertir plusieurs fois. Enfin, le son d'une cloche qui appelait les pensionnaires au réfectoire nous obligea de nous retirer. « Je vous avoue, me dit le comte, que j'ai peine à croire ce que j'ai vu. Comment peut-on allier l'ignorance et le savoir, la modestie et la beauté, l'ingénuité de l'enfance et la raison de l'âge mûr ? Enfin, permettez-moi de dire, une innocence aussi extrême, avec un physique aussi précoce. Je croyais cette réunion impossible, mon ami. Votre sœur est le chef-d'œuvre de la nature et de l'éducation. » Rosenberg. Ce chef-d'œuvre est le fruit de 14 ans de soins et de bonheur. Enfin, mon ami, il n'y a pas 6 mois qu'Adélaïde est au couvent. 6 mois. Ah, dans un espace de temps beaucoup plus court, combien de demoiselles qu'on dit bien élevées acquièrent là de grandes lumières, et reçoivent même certaines leçons qui avancent beaucoup une jeune fille. C'est ici, Rosenberg, qu'il faut encore admirer le bonheur d'Adélaïde. Vive, folâtre, enjouée avec toutes ses compagnes. Elle n'en a distingué qu'une, une aussi délicate, aussi honnête, aussi sage qu'elle, une un peu plus éclairée peut-être parce que, depuis quelque temps, l'amour. Je vous entends, c'est la jolie cousine. Oui, mon ami. Sophie, non moins vertueuse qu'Adélaïde, quoique sensible un peu plus tôt, Sophie est devenue l'unique amie de ma sœur. Ces deux cœurs si purs se sont, pour ainsi dire, sentis, attirés, confondus. Depuis quelque temps, j'ai troublé l'union des deux amies. Il m'est permis de croire que je suis devenu l'heureux objet des plus chères affections de ma jolie cousine. Adélaïde, à qui l'amour, je regardais M. Persson, n'a pas encore montré son vainqueur, a porté sur Sophie sa sensibilité tout entière, et l'amertume de ses plaintes nous prouve l'excès de son amitié. et vous assurer en même temps de votre bonheur. En vérité, Phoblas, si Sophie est aussi aimable, aussi belle qu'Adélaïde, plus belle, mon ami, plus belle encore. Cela me paraît difficile. Oh, plus belle, vous la verrez, plus belle. Imaginez. Chut, chut, doucement, comme il s'échauffe. Dites-moi donc, l'homme à sentiment, puisque vous aviez une si charmante maîtresse, pourquoi m'avez-vous soufflé la mienne? Puisque M. de Phoblas aime tant le parloir, pourquoi Mademoiselle du Portail a-t-elle couché chez la marquise? Comment donc arrangez-vous tout cela? Mais, Rosembert, cela n'est pas difficile. Ni désagréable, je le conçois. Vous riez. Écoutez donc, mon ami. Vous savez comment les choses se sont passées entre la marquise et moi? Oui, oui, à peu près. Mais, rieur éternel, écoutez-moi. Élevé à peu près comme ma sœur, je n'étais guère moins ignorant qu'elle il y a 8 jours. Je n'ai pas pris, Madame de B. C'est elle qui s'est donnée. Je suis excusable. Allons, passe pour le bal paré. Mais au moins vous étiez le maître de ne pas retourner chez elle. Le bal masqué, hein, qu'en dites-vous? Je dis qu'on m'y avait attiré. Je n'ai guère que 16 ans, moi, mais 109. Ah, Sophie, pauvre Sophie, ne la plaignez pas, je l'adore. Mais Rosembert, je sais bien qu'il n'y a que des nœuds légitimes qui puissent m'assurer sa possession. Cela doit être, du moins. Eh bien, en attendant que l'hymen nous unisse, je respecterai toujours ma Sophie. C'est ce que l'on saura par la suite. Cependant, mon célibat me paraîtra dur. Je le crois. Ma vivacité m'emportera quelquefois. Sans doute. Je ferai peut-être quelque infidélité à ma jolie cousine. Cela est plus que probable. Mais dès qu'un heureux mariage... Ah oui. Alors, ma Sophie, je n'aimerai que toi. Cela n'est pas si sûr. Je l'aimerai toute ma vie. Cela me paraît fort. Rosembert me quitta. Jasmin, à qui je demandais en rentrant si l'on avait apporté mes habits, me dit qu'il n'avait vu personne. J'attendis jusqu'au soir le commissionnaire qui ne vint pas. J'étais inquiet parce que j'avais laissé dans les poches un portefeuille qui contenait 2 lettres. L'une m'avait été envoyée de province par un vieux domestique de mon père. Le bonhomme me souhaitait une bonne année. J'aurais été fâché de perdre l'autre. C'était celle que la marquise m'avait écrite quelques jours auparavant. Elle était, comme on sait, adressée à Mademoiselle du Portail et je voulais la conserver. Les habits me furent rapportés le lendemain matin. Mais je cherchais vainement dans les poches. Le portefeuille ne s'y trouvait plus. Madame Dutour vint me faire oublier mon inquiétude en me remettant une lettre de la marquise. J'ouvris avec empressement, je lus. « Ce soir, mon bon ami, à 7 heures précise, trouvez-vous à la porte de mon hôtel. Vous pourrez suivre avec assurance la personne qui, après avoir soulevé le chapeau dont vous vous serez couvert les yeux, vous nommera l'Adonis. Je ne puis vous en écrire davantage. Depuis le matin, je suis obsédé. On me fatigue des détails de la science physionomique. Ce n'est pas celle-là que je me soucie d'approfondir. Oh, mon ami, vous possédez si bien l'art de plaire que quand on vous connaît, on ne sait plus qu'aimer, on ne veut plus savoir que cela. » Cette lettre était si flatteuse, l'invitation qu'elle contenait était si séduisante que je ne balançais pas. J'assurais là du tour que je ne manquerais pas de me rendre au lieu indiqué. Cependant, quand la messagère fut partie, je sentis quelques irrésolutions. Ne devais-je pas, désormais, uniquement occupé de Sophie, éviter toute occasion de revoir sa trop dangereuse rivale? Mais pourquoi m'imposerais-je cette loi cruelle sans nécessité? Avais-je déclaré mon amour à Sophie? Sophie m'avait-elle avoué le sien? Avait-elle acquis le droit d'exiger de moi ce sacrifice? D'ailleurs, à le bien prendre, ce que j'allais faire ne pouvait pas s'appeler une infidélité. Je ne m'embarquais pas dans une intrigue nouvelle. Puisque j'avais passé la nuit avec la marquise, puisque je l'avais revue depuis dans ce galant boudoir, quel inconvénient de lui faire encore une visite. Cela ne faisait jamais que 3 rendez-vous au lieu de 2. Le crime était-il dans le nombre? Et puis, ma jolie cousine ne serait pas instruite de cela. Enfin, ma parole était engagée. Le lecteur voit bien que je ne pouvais me dispenser d'aller à ce rendez-vous. Je ne me fis pas attendre. Justine aussi ne me laissa pas morfondre à la porte. Elle souleva mon chapeau. « Venez, belle Adonis. » Je la suivis à petits pas. Cependant, le Suisse, quoiqu'à demi-ivre, entendit quelques bruits et demanda qui c'était. « c'est moi, » répondit Justine. « Oui, » reprit l'autre, « c'est vous, mais ce jeune gaillard. Eh bien, c'est mon cousin. » Le Suisse était en gaieté, il se mit à fredonner. « Voilà mon cousin l'allure, mon cousin, voilà mon cousin l'allure. Cependant Justine me conduisait au fond de la cour. Nous enfilâmes un escalier dérobé. On conçoit que la jolie soubrette fut embrassée plusieurs fois avant que nous fussions au premier étage. Alors, elle me fit signe d'être plus sage et m'ouvrit une petite porte. Je me trouvais dans le boudoir de la marquise. « Entrez, me dit Justine, entrez dans la chambre à coucher, vous seriez mal ici. » Elle sortit et ferma la porte sur elle. J'entrai dans la chambre à coucher. Ma belle-maîtresse vint à moi. « Ah, maman, maman, c'est donc ici pour la seconde fois ?» Elle m'interrompit. « Mon Dieu, je crois entendre le marquis. Le voilà revenu pour toute la soirée. Sauvez-vous, partez !» D'un saut, je regagnai le boudoir, mais je ne songeais pas à tirer sur moi la porte de la chambre à coucher. Elle resta entr'ouverte, et pour comble de malheur, cette étourdie de Justine avait fermé à double tour l'autre porte qui conduisait à l'escalier dérobé. La marquise, qui ne pouvait deviner que la retraite me fut fermée, s'était assise tranquillement. Déjà, le marquis était entré dans son appartement et s'y promenait d'un air effaré. Je tremblais qu'il ne m'aperçût dans le boudoir. Il n'y avait pas moyen d'en sortir. Comment faire? Je me jetai sous l'ottomane, et dans une situation très incommode, j'entendis une conversation fort singulière qui eut un dénouement plus singulier encore. « Vous voilà de retour de bonne heure, monsieur ?»« Oui, madame. » »« Je ne vous attendais pas si tôt. » »« Cela se peut bien, madame. » »« Vous paraissez agité, monsieur. Qu'avez-vous donc ?»« Ce que j'ai, madame. »« Ce que j'ai. J'ai que... Je suis furieux. »« Modérez-vous, monsieur. Peut-on savoir ?»« J'ai que... Il n'y a plus de mœurs, nulle part. Les femmes... » « Monsieur, la remarque est honnête et l'application heureuse. Madame, c'est que je n'aime pas qu'on me joue, et quand on me joue, je m'en aperçois bien vite. Comment, monsieur, des reproches, des injures? Cela s'adresserait-il? Vous vous expliquerez sans doute. Oui, madame, je m'expliquerai et vous allez être convaincu. Convaincu? De quoi, monsieur? De quoi, de quoi? Un moment donc, madame. Vous ne me laissez pas le temps de respirer. Madame, vous avez reçu chez vous, logé chez vous, couché avec vous, mademoiselle du Portail ? La marquise, avec fermeté. Eh bien, monsieur ? Eh bien, madame, savez-vous ce que c'est que mademoiselle du Portail ? Je le sais, comme vous, monsieur. Elle m'a été présentée par monsieur de Rosembert. Son père est un honnête gentilhomme, chez qui vous avez soupé encore avant-hier. Il ne s'agit pas de cela, madame. Savez-vous ce que c'est que mademoiselle du Portail ? Je vous le répète, monsieur, je sais comme vous que mademoiselle du Portail est une fille bien née, bien élevée, fort aimable. Il ne s'agit pas de cela, madame. Et monsieur, de quoi s'agit-il donc? Avez-vous juré de mettre ma patience à bout? Un moment donc, madame. Mademoiselle du Portail n'est point une fille. La marquise, très vivement, n'est point une fille. N'est point une fille bien née, madame. C'est une fille d'une espèce de ces filles qui... Là, vous m'entendez? Je vous assure que non, monsieur. Je m'explique pourtant bien. C'est une fille qui... dont... que... enfin, suffit, vous y êtes. Au point du tout, monsieur, je vous assure. C'est que je voudrais vous gazer cela. Madame, c'est une... Vous comprenez? Mademoiselle du Portail, une... Pardon, monsieur, mais je n'y tiens pas. Il faut que je rie. En effet, la marquise se mit à rire de toutes ses forces. Riez, riez, madame. « Tenez, connaissez-vous cette lettre-là ?»« Oui, c'est celle que j'ai écrite à mademoiselle du Portail le lendemain du jour qu'elle a couché chez moi. »« Justement, madame. Et celle-ci, la connaissez-vous ?»« Non, monsieur. »« Regardez-la, madame. Vous voyez bien l'adresse. »« À monsieur, monsieur chevalier de Faublas. Et lisez-le dedans. »« Mon cher maître, j'ai l'honneur de rendre la liberté d'oser vous interrompre pour vous souhaiter que cette année qui commence vous soit belle et bonne. » J'ai l'honneur d'être avec un profond respect, mon cher maître, etc. C'est une lettre de bonne année d'un domestique à son maître, qui est ce monsieur de Faublas. Eh bien, madame, ces deux lettres étaient dans le portefeuille que voici. Enfin, monsieur. Madame, et le portefeuille, vous ne devineriez jamais où je l'ai trouvé. Dites, dites, monsieur. Je l'ai trouvé dans un endroit où... Là... Eh, monsieur, dites tout de suite le mot, vous seriez toujours obligé d'en venir là. Ainsi... Eh bien, je l'ai trouvé dans un mauvais lieu. Dans un mauvais lieu? Oui, madame. Où vous aviez affaire, monsieur? Où la curiosité m'a conduit. Tenez, je vais vous conter tout cela. Un homme a fait courir depuis quelques jours des billets imprimés par lesquels elle donne avis aux amateurs qu'elle peut leur offrir de charmants boudoirs qu'elle louera à temps par heure. Moi, j'étais voir cela par curiosité, uniquement par curiosité, comme je vous le disais tout à l'heure. Quel jour y avez-vous été, monsieur ? Hier, l'après-dîner, madame. Les boudoirs sont en effet charmants. Il y en a un surtout au premier étage. Il est vraiment joli, au niveau des tableaux, des estampes, des glaces, une alcôve, un lit. Ah, c'est le lit, surtout. Figurez-vous que le diable de lit est à ressort. Ah, c'est très plaisant. Tenez, il faut quelques jours que je vous fasse voir cela. Un mari et sa femme en partie fine, répondit la marquise. Ce serait beau. J'entendis quelques bruits. La marquise se défendait. Le marquis l'embrassa. Leur conversation, qui dans les commencements m'avait inquiété, m'amusait au point que je sentais moins la gêne de ma situation. Le marquis reprit ainsi. Mais c'est que rien n'y manque. Il y a dans ce boudoir, au premier étage, une porte qui communique chez une marchande de mode qui loge à côté. Cela est fort bien imaginé. Vous entendez qu'une femme, comme il faut, a l'air d'être chez sa marchande de mode. Point du tout. Elle monte l'escalier, et puis vous en plante à un pauvre mari. Mais écoutez-moi, madame. Dans ce boudoir, j'ai ouvert une petite armoire, et dans cette armoire, j'ai trouvé ce portefeuille. Ainsi, il est clair que mademoiselle du Portail a été là avec ce monsieur de Faublas, et cela est très vilain, elle est très malhonnête à monsieur de Rosembert, qui la connaissait, de nous l'avoir présentée, et très imprudent à son père de la laisser sortir accompagnée seulement d'une femme de chambre. Et je n'en ai point été la dupe. Il y a dans sa figure, vous savez comme je suis physionomiste, elle est jolie, sa figure, mais il y a quelque chose dans les traits qui annonce un sang. Cette fille a du tempérament, et je l'ai bien vue. Vous souvenez-vous de ce soir que Rosembert lui dit qu'il y avait des circonstances ? Hein, des circonstances ? Vous n'aviez pas remarqué cela, vous ? Moi, j'ai relevé ce mot. Ah, on ne m'attrape pas. Et tenez, le même jour. Venez, venez, madame. La marquise, qui me croyait partie, se laissa conduire à son boudoir. Le marquis continua. Elle était ici, dans ce boudoir, là. Vous, vous étiez couché sur cette ottomane. Je suis arrivé. Madame, elle avait le teint animé, les yeux brillants, un air. Oh, je vous le dis, cette fille a un tempérament de feu. Vous savez que je m'y connais, mais laissez-moi faire, j'y mettrai bon ordre. Comment ? Monsieur, vous y mettrez bon ordre ? Oui, oui, madame. D'abord, je dirai à Rosembert ce que je pense de son procédé. Il y a peut-être été avec elle, Rosembert. Ensuite, je verrai monsieur du Portail, et je l'instruirai de la conduite de sa fille. Quoi ? Monsieur, vous feriez à monsieur de Rosembert une mauvaise querelle ? Madame, madame, Rosembert savait ce qu'il en était. Il était jaloux de moi comme un tigre. De vous, monsieur ? Oui, madame, de moi. Parce que la petite avait l'air de me préférer. Elle me faisait même des avances. Et c'est en cela qu'elle m'a joué, elle. Car elle avait alors ce monsieur de Faublas. Je saurai ce que c'est que ce monsieur de Faublas, et je verrai monsieur du Portail. Quoi, monsieur ? Vous pourriez aller dire à un père ? Oui, madame. C'est un service à lui rendre. Je le verrai, je l'instruirai de tout. J'espère, monsieur, que vous n'en ferez rien. Je le ferai, madame. Monsieur, si vous avez quelque considération pour moi, vous laisserez tout cela tomber de soi-même. Point, point, je saurai. Monsieur, je vous le demande en grâce. Non, non, madame. Vous m'éclairez, monsieur. Je vois le motif de l'intérêt si pressant que vous prenez à ce qui regarde mademoiselle du Portail. Je vous connais trop bien pour être la dupe de cette austérité de mœurs dont vous vous parez aujourd'hui. Vous êtes fâché non pas de ce que mademoiselle du Portail a été dans un lieu suspect, mais de ce qu'elle y a été avec un autre que vous. Oh, madame ! Et quand j'accueillais chez moi une demoiselle que je croyais honnête, vous aviez des desseins sur elle, madame. Et vous osez venir vous plaindre à moi-même d'avoir été joué ? C'était moi seul qu'on jouait. Elle se laissa tomber sur l'ottomane. Son mari jeta un cri, puis il l'embrassa la marquise en lui disant « Si vous saviez comme je vous aime, si vous m'aimiez, monsieur, vous auriez plus de considération pour moi, plus de respect pour vous-même, plus de ménagement pour une enfant, peut-être moins à blâmer qu'à plaindre. Que faites-vous donc, monsieur ? Laissez-moi. Si vous m'aimiez, vous n'iriez pas apprendre à un père malheureux les égarements de sa fille. Vous n'iriez pas conter cette aventure à monsieur de Rosembert qui en rira, qui se moquera de vous et qui dira partout que j'ai reçu chez elle une fille à intrigue. Mais monsieur, finissez donc. Ce que vous faites là ne ressemble à rien. Madame, je vous aime. Il suffit bien de le dire, il faut le prouver. Mais depuis 3 ou 4 jours, mon cœur, vous ne voulez jamais que je vous le prouve. Ce ne sont pas de ces preuves-là que je vous demande, monsieur. Mais, monsieur, finissez donc. Allons, madame, allons, mon cœur. En vérité, monsieur, cela est d'un ridicule. Nous sommes seuls. Il vaudrait mieux qu'il y eût du monde. Cela serait décent. Mais finissez donc. N'avons-nous pas toujours le temps de faire ces choses-là? Finissez donc. Quoi? Des gens mariés à votre âge, dans un boudoir, sur une ottomane, comme deux amants? Et quand j'ai lieu de vous en vouloir, encore? Eh bien, mon ange, je ne dirai rien à Rosembert, rien à monsieur du portail. Vous me le promettez bien. Je vous en donne ma parole. Eh bien, un moment, rendez-moi le portefeuille, laissez-le-moi. De tout mon cœur, le voilà. Il y eut un moment de silence. En vérité, monsieur, dit la marquise, d'une voix presque éteinte, vous l'avez voulu, mais cela est bien ridicule. Je les entendis bégayer, soupirer, se pâmer tous deux. On ne peut se figurer ce que je souffrais sous l'ottomane pendant cette étrange scène. J'aurais étranglé les acteurs de mes mains. Et dans l'excès de mon dépit, j'aurais tenté de me découvrir, de reprocher à la marquise cette infidélité d'un nouveau genre, et de rendre au marquis la mère mystification qu'il me faisait essuyer sans le savoir. Justine vint terminer mes irrésolutions. Elle ouvrit tout à coup la porte de l'escalier dérobé. La marquise jeta un cri. Le marquis se sauva dans la chambre à coucher pour y réparer son désordre. Justine, apercevant un mari au lieu d'un amant, demeura stupéfaite, et la marquise ne fut pas moins étonnée qu'elle en me voyant sortir de dessous l'ottomane. Je remerciai tout bas la femme de chambre. « Grand merci, Justine, tu m'as rendu service. J'étais fort mal dessous, tandis que madame était dessus très à son aise. » La marquise, interdite et tremblante, n'osa me répondre ni me retenir. Son mari était si près de là. Probablement il allait rentrer dès qu'il serait plus décemment vêtu. Justine se rangea pour me laisser passer. Je descendis l'escalier dérobé sans lumière, au risque de me rompre 20 fois le cou. Je traversai la cour rapidement et je sortis de l'hôtel en maudissant ses maîtres. Le lendemain, j'étais encore au lit quand Jasmin m'annonça Justine et se retira discrètement. « Mon enfant, je songeais à toi. »« Ah, monsieur, laissez-moi. Cette fois-ci, vous ne m'y prendrez pas. Je veux commencer par ma commission. Savez-vous que j'étais encore bien grondé hier? Vous nous avez fait une belle peur. Vous n'étiez pas encore au bas de l'escalier quand le marquis est rentré dans le boudoir. « Voyez cette sotte, a-t-il dit, elle entre ici comme un coup de pistolet. » Dès qu'il nous a quittés, madame, désolée de l'aventure, m'a dit qu'il ne concevait pas pourquoi vous vous étiez caché sous l'ottomane. J'étais forcé de lui avouer que j'avais, sans y songer, fermé la porte à double tour. Elle m'a fait une scène, et puis ce matin elle m'a remis cette lettre pour vous. « Fort bien, ma petite Justine. Voilà ta commission faite, car je n'ouvrirai pas la lettre. »« Vous ne l'ouvrirez pas, monsieur. » « Non, je suis fâché contre ta maîtresse. Vous avez tort. »« Mais je ne suis pas fâché contre toi, Justine. »« Et vous avez raison. Finissez. Mais tenez, je le veux bien, à condition que vous lirez la lettre. »« Oh, qu'une maîtresse est heureuse d'avoir une fille comme toi. Eh bien oui, je lirai. » Justine remplit de si bonne grâce les conditions du traité qu'il y aurait eu de ma part de la perfidie à ne point tenir parole. J'ouvris la lettre. Que notre aventure d'hier m'a peiné, mon bon ami. Cette scène, qui n'eût été que bizarre, si, comme je le croyais, vous n'en aviez pas été le témoin, est devenue par votre présence aussi désagréable pour moi que mortifiante pour nous. Quel mot vous avez dit en partant, ingrat. Vous ne savez pas le mal que vous m'avez fait. Revenez à celle qui vous aime. Trouvez-vous à midi au lieu qu'on vous désignera. Là, je n'aurai pas de peine à me justifier. Là, quand mon amant sera bien convaincu de son injustice, il me trouvera prête à lui pardonner sa vivacité. « Monsieur, reprit Justine, dès que j'eus fini ma lecture, madame vous attendra à midi au boudoir de l'autre jour. Vous savez bien où nous vous avons habillé. » « Oui, Justine, et où tu as tant pleuré. Si tu savais comme j'ai souffert pour toi. Mais aussi, friponne, tu ne te contentes pas de faire des malices, tu en dis. » « Ne me parlez pas de cela. J'en suis encore toute honteuse. Finissez donc. Donnez-moi votre réponse pour ma maîtresse. »« Ma réponse, Justine, est que je n'irai pas au rendez-vous. »« Vous n'irez pas ?»« Non, Justine. »« Quoi ? Vous donneriez ce chagrin-là à ma maîtresse ?»« Oui, mon enfant. »« Mais vous allez me faire gronder. Je me charge de te consoler d'avance. »« Vous êtes bien décidée. Très décidée, Justine. »« Eh bien, en ce cas, faites un bout de lettre. Finissez donc. » Elle m'embrassa. « Écrivez un mot pour ma maîtresse. « Non, mon enfant, je n'écrirai pas. Laissez-moi. Mais, tenez, je le veux bien encore à condition que vous écrirez. »« Ah, Justine, je le répète, qu'une maîtresse est heureuse d'avoir une fille comme toi. Eh bien oui, j'écrirai. » J'écrivis en effet. « Je ne sais, madame, si l'aventure d'hier vous a beaucoup peiné. Mais à la manière dont vous avez rempli votre emploi sur l'ottomane, j'ai lieu de croire qu'il ne vous paraissait pas très pénible. Quand on a un mari aimable, galant et tendrement aimé, madame, on doit s'en tenir là. Je suis avec le plus vif regret, etc. » Oh, ma jolie cousine, oh combien, en songeant à vous, je m'applaudis de l'effort généreux que je venais de faire. Oh, qu'il me fut doux de penser qu'enfin, je vous avais sacrifié un rendez-vous, et qu'à l'heure même où la marquise avait cru me revoir chez son amie, je jouirais près de vous du bonheur de vous admirer. Hélas, elle ne vint pas au parloir. Ah, ma sœur, pourquoi votre amie n'est-elle pas avec vous? Je vous disais bien qu'elle était malade. Hier encore, elle a pleuré toute la journée. De la nuit, elle n'a fermé l'œil. La fièvre s'est déclarée ce matin. La fièvre? Sophie a la fièvre? Sophie est en danger? Ne parlez pas si haut, mon frère. Je ne sais pas s'il y a danger, mais elle souffre. Elle a le teint pâle, les yeux rouges, la tête penchée, la respiration lente, la parole brève et entrecoupée. J'ai cru même surprendre quelques mots de délire. Ce matin, son visage s'est enflammé tout à coup, ses yeux sont devenus vifs et brillants. Elle a prononcé très vite et très bas quelques mots que je n'ai pu entendre. Mais bientôt elle est retombée dans un accablement plus profond. « Non, non, a-t-elle dit, cela n'est pas possible. Je ne le puis, je ne le dois pas. Jamais il ne le saura. » J'ai vu des larmes couler de ses yeux. Elle a ajouté d'un ton douloureux « Comme je me suis trompé, j'en mourrai, le cruel, l'ingrat. » J'ai pris sa main, elle a serré la mienne, puis elle m'a redit ce qu'elle répète sans cesse « Adélaïde, Adélaïde, que tu es heureuse !» Sa gouvernante rentrait. Sophie m'a encore conjuré de ne rien lui dire. « Cependant, mon frère, il faudra que j'avertisse Madame Munich, c'était le nom de la gouvernante de Sophie, parce que je crains pour ma bonne amie. Qu'en pensez-vous ? » Adélaïde, lui avez-vous dit que j'étais ici ? Oui, mais j'avais bien raison de vous soutenir hier qu'elle ne vous aimait plus. Elle me l'a dit elle-même. Sophie vous a dit ? Oui, monsieur, elle me l'a dit et elle m'a chargé de vous le dire. Hier, avant souper, je lui racontais que vous aviez amené avec vous un jeune monsieur fort aimable. Elle a demandé son nom. J'ai répondu : le comte Rosenberg. Rosenberg, a-t-elle répété avec étonnement ? Rosenberg, c'est lui qui a mené votre frère chez la marquise de B. Ce n'est pas un jeune homme honnête. Votre frère en fait son ami. Il gâtera tout à fait votre frère. Adélaïde, il commence à se déranger, votre frère. Ah, ma bonne amie, je lui en ai fait des reproches. Et je lui ai même dit que tu ne l'aimes plus. Vous lui avez dit que je ne l'aime plus ? Oui, ma bonne amie, mais il n'a pas voulu me croire et il s'est mis à rire. Et M. de Rosenberg a ri aussi. Ces messieurs se sont mis à rire, m'a répliqué Sophie d'un ton fâché. Votre frère a ri et n'a pas voulu vous croire. Adélaïde, quand revient-il, votre frère ? Demain, ma bonne amie. Eh bien, dites-lui qu'il est vrai que j'ai eu de l'amitié pour lui, mais que je n'en ai plus, plus du tout, et qu'afin de l'en convaincre, je ne le verrai plus de ma vie. Elle m'a quitté, et puis un moment après, elle est revenue me dire en riant : Oui, ma chère Adélaïde, tu as raison, je n'aime pas ton frère, je ne l'aime pas. Ne manque pas de le lui dire demain. Elle riait, et cependant, je vous assure, Faublas, que tout de suite, elle s'est mise à pleurer. Tandis qu'Adélaïde me parlait, mon cœur était pénétré de douleur et de joie. « Il faut, reprit ma sœur, il faut que je vous fasse part d'une singulière idée qui m'était venue dans l'esprit, je ne sais comment, je ne sais pourquoi. En voyant ma bonne amie rire et pleurer en même temps, je ne puis m'empêcher de craindre qu'elle ne soit un peu folle. Cependant, il y a là-dedans quelque mystère que je ne pénètre pas. Sûrement quelqu'un lui donne du chagrin. Mon frère, j'ai vraiment eu peur que ce ne fût vous. Pourquoi le hait-elle à présent, me suis-je dit ? Pourquoi ne veut-elle plus le voir ? Serait-ce lui qu'elle appelle ingrat et cruel ? Vous sentez bien, Faublas, qu'en y réfléchissant un peu, je me suis convaincu que cette idée n'était pas raisonnable. Mon frère, un ingrat, un cruel, cela ne se peut pas. Et puis, quel mal a-t-il fait à ma bonne amie ? Quel mal aurait-il pu lui faire ? Adélaïde, m'écriai-je, ma chère Adélaïde ! Comment ? Vous pleurez ? Me dit-elle. Seriez-vous fâchée contre moi ? je vous assure que j'ai pensé tout cela malgré moi, et que je ne vous l'ai pas dit pour vous offenser. Je le sais bien, ma chère sœur, je le sais bien. C'est la maladie de ta bonne amie qui me fait pleurer. Mon frère, pensez-vous qu'elle puisse devenir sérieuse? Pensez-vous que je doive avertir la gouvernante de Sophie? Non, Adélaïde, non, ne l'avertis pas. Ta bonne amie a la fièvre, comme tu dis bien, et je connais un remède qui la guérira. Adélaïde, je vous apporterai demain la recette écrite sur un morceau de papier soigneusement cacheté. Vous ne montrerez ce papier à personne. Vous le donnerez à Sophie quand Madame Munich ne sera pas avec elle. Il est essentiel que Madame Munich ne voie pas ce papier. Vous m'entendez bien? Oui, oui, soyez tranquille. Ah, que je vous saurai d'obligation si vous guérissez ma bonne amie. Adélaïde, dites à ma jolie cousine que je crois connaître son mal, que je le partage et que j'espère lui rendre sa tranquillité. Lui direz-vous bien cela, ma sœur? Ah, mot pour mot. Vous connaissez son mal, vous le partagez, vous le guérirez. Mon frère, je lui dirai même que vous avez pleuré. Mais ne manquez pas de venir demain. Demain, apportez la recette, et en attendant, ne négligez rien pour que son succès soit entier. Gardez-vous de ne vous en rapporter qu'à vous seul. Vous n'êtes pas médecin, mon frère. Courez aujourd'hui chez les plus célèbres d'entre eux, voyez, interrogez, consultez. La maladie n'est pas ordinaire, jamais je n'en ai vu de semblable, et je tremble qu'elle ne devienne infiniment dangereuse. Bon Dieu, si en voulant détruire le mal, vous alliez le rendre incurable. Mon frère, il faut que la guérison soit radicale, et prompte aussi, bien prompte. Hâtez-vous pour Sophie qui souffre, qui dépérit, qui brûle. Pour moi, qui suis si malheureuse de sa peine. Et tenez, pour vous-même, mon frère, car ma bonne amie, dès qu'elle se portera bien, vous aimera sans doute autant qu'elle vous aimait autrefois. Revenu chez moi, je ne m'occupais que des discours d'Adélaïde, que des peines de Sophie. Malheureusement, mon père donnait à dîner ce jour-là. Il fallut d'abord tenir table et faire ensuite un maudit brûlant qui me retint jusqu'à plus de minuit. Quel tourment, quand on aime bien, quand on se croit aimé, quand on veut écrire à sa maîtresse. Quel tourment d'être obligé de jouer toute la soirée. Je ne le souhaite pas à mon plus cruel ennemi. On devine que je dormis peu cette nuit. Le lendemain, je passais dans un petit cabinet pratiqué au fond de ma chambre à coucher. J'avais là quelques livres d'études, dont mon commode gouverneur ne m'ennuyait pas souvent. Je me mis à mon secrétaire. J'écrivis une première lettre que je déchirai. J'en fis une seconde pleine de ratures qu'il fallait bien corriger. Et je pris le lecteur de ne pas dire que j'aurais dû recommencer encore la troisième que voici. Ma jolie cousine, il est enfin venu ce moment tant souhaité où je puis librement vous ouvrir mon cœur, solliciter de votre tendresse un aveu bien doux et peut-être assurer ainsi notre bonheur commun. Ah, Sophie, Sophie, si vous saviez ce que j'éprouvais le premier jour que je vous vis, comme ma vue se troubla, comme mon cœur fut agité. Mon amour ne fait qu'augmenter depuis, un feu dévorant circule aujourd'hui dans mes veines. Sophie, je n'existe plus que pour toi.